Les nouvelles des activités révolutionnaires du maréchal Kim Jong-un ont été rapportées du 19 au 23 dans divers pays. L'agence de presse Reuters, les réseaux La Planète et la radio internationale de Chine, les pages internet du Comité national nigérien d'études de Kim Il-sung, Kim Jong-lisme et du Comité national d'études des études justes du Congo démocratique, ainsi que les pages internet du Forum allemand anti-impérialiste Nouvelles des inspections, ont rapporté que le maréchal Kim Jong-un a inspecté l'usine mécanique conduite par Ho Chol-yong, le musée de la nature et le zoo central en face d'Achemont. L'agence de presse Chine Nouvelle, la télévision satellitaire Phoenix de Hong Kong de Chine et l'agence de presse japonaise Kyodo ont informé de son inspection du musée de la nature et du zoo central en face d'Achemont. Le homepage d'internet du Comité national nigérien d'études de Kim Il-sung, Kim Jong-lisme a également donné son inspection de la pépinière numéro 122 de l'armée populaire de Corée, dont le perfectionnement scientifique, l'industrialisation et l'intensification sont parfaitement réalisés au niveau de l'époque de l'économie du savoir. Les agences de presse et les homepages d'internet chinois, du Congo démocratique et allemand ont inséré les photos du maréchal Kim Jong-un.